Deuxième partie, chapitre 2, le million. Le jour où Jean Robin monta à bord de son yacht pour rentrer en France, New York fit des adieux enthousiastes au roi de la pierre. Mais, enfermé dans le somptueux salon qui occupait tout l'arrière du navire, il n'entendit pas, ou ne voulut pas entendre, les hips et les hurrahs qui l'acclamaient. Il ne vit pas les centaines de steamboats qui escortèrent le yacht dans les passes jusqu'au moment où, gracieux et superbe, il fendit les eaux vertes de l'Atlantique. Jean Robin quittait l'Amérique sans émotion. Il n'était venu y chercher que de l'or. Il n'eut pas un tressaillement, pas un regret. Sa vie était ailleurs. Le yacht traversa l'océan avec une avance de 30 heures sur les plus rapides steamers. Arrivé à Paris par train spécial, le milliardaire dut éviter la nuée de reporters accourus pour obtenir un mot. Dès le lendemain, les invitations pleuvaient chez lui, le faubourg Saint-Germain et la haute banque se disputaient l'honneur de l'avoir à leur soirée. On se racontait les merveilles de l'hôtel des Champs-Élysées, dont les derniers échafaudages avaient été enlevés la veille même de l'arrivée du nouveau nabab. 8 jours plus tard, Jean Robin était admis à l'unanimité au Jockey Club, ses chevaux gagnaient le prix d'Auteuil qu'il envoyait aussitôt à l'assistance publique, les journaux disaient le faste avec lequel il avait fait aménager sa loge à l'Opéra, et les municipalités des 20 arrondissements de Paris le remerciaient des 100 000 francs qu'en signe de bienvenue il avait adressés à chacune d'elles pour les pauvres. Jean Robin était l'homme à la mode. Si bien à la mode que la baronne Gorgès, n'ayant pu la voir dans son salon à sa fameuse réception du jeudi, organisa une fête de charité tout exprès pour le forcer à venir chez elle. Le roi de la pierre ne pouvait refuser de s'associer à un acte de bienfaisance. Quant au prétexte, il fut quelconque, il se trouve toujours un naufrage, un incendie, une inondation pour permettre à ces dames de danser leur aumône à grand orchestre. En effet, cette fois, Jean Robin accepta l'invitation. Mais s'il était décidé à surmonter la répugnance invincible que lui inspiraient les Gorgès, famille de banquiers célèbres dont la fortune échafaudée sur les cadavres des foules ruinées compte autant de suicides que de millions à son actif, c'est qu'il avait appris que la comtesse de Charmeuse assisterait à la fête et serait parmi les dames vendeuses. Oui, Jean Robin cherchait à revoir Adrienne. L'aimait-il donc encore ? Les longues années de lutte impitoyable, de bataille à outrance, de vie enfiévrée, n'avaient donc pas tué son cœur ? Que de fois pourtant il l'avait maudite, l'infidèle ! Que de fois, dans le silence de ses nuits d'angoisse, il avait, tout bas, murmuré son nom avec des sanglots et des imprécations ! En revoyant Paris, il avait éprouvé un long frémissement. Pourquoi, oh, pourquoi ? Il s'interrogea, ausculta, tout pantelant, ce cœur qu'il eût voulu broyer pour l'incurable souffrance qu'il portait en lui. Le malheureux, il aimait, plus qu'il n'avait jamais aimé, avec toute l'ardeur et toute la passion accumulées pendant des mois et des années. Adrienne, toute puissante dans son âme, demeurait l'absolue maîtresse de sa vie. Oh, il le sentait bien maintenant. C'est pour elle qu'il s'était jeté à corps perdu dans la mêlée des milliards. C'est pour elle qu'il avait triomphé. C'est pour elle qu'il revenait. Et elle avait trahi. Et jamais plus elle ne serait à lui. Et il la méprisait d'un mépris farouche, irréfragable. Oh, la tenir devant lui, la plier sous le sanglant dédain de son regard, l'écraser d'un mot, passer. Lui, l'ancien gueux abandonné, dans l'éclat rutilant de ses milliards, l'écrasé de cet or qu'il haïssait, puisque l'or les avait séparés. Comment avait-il pu se tromper à ce point, quoi, vil et lâche, au point d'oublier qu'elle était sienne tout entière, et se prostituer à un titre, misère. Elle avait épousé un comte, il était devenu roi. Bonheur l'avait accablé sous le poids de ses 2 ou 3 millions. Il revenait milliardaire. Et ce fut une longue, savoureuse et âpre jouissance de savoir qu'il allait la revoir et l'humilier à cette fête des Gorgès. Il y a là, calme, froid, résolu à se montrer implacable. Il y a là, comme on va à un duel à mort. Lorsqu'il arriva et qu'on l'annonça dans les salons de la baronne Gorgès, on se précipita pour le voir. Il passa, très simple, portant avec une suprême distinction l'habit noir fleuri de blanc sur la légère tache rouge de la rosette de la Légion d'honneur. Tout de suite, il avait été accaparé par un ministre qui lui donnait le bras et lui présentait des gens de tous les mondes, des généraux, des académiciens, des artistes, et Jean Robin causait d'art, de littérature et de science avec une remarquable facilité, trouvant le mot qui porte, recevant là sa grande naturalisation de parisien spirituel et de gentleman accompli. Il passa dans le grand salon où la baronne Gorgès voulut le conduire elle-même et qui avait été transformé en salle de vente. Là, des femmes du monde coudoyaient des actrices en vogue et des marquises authentiques vendaient de menus bibelots, leurs éventaires collés aux éventaires de quelques chanteuses à la mode. Quelques-unes se contentaient de quêter et Jean Robin s'arrêta, les jambes coupées, lorsqu'il la vit venir à lui. Elle n'avait pas changé. C'était toujours l'adorable créature qu'il avait idolâtrée, qu'il adorait encore. Adrienne venait, lente dans les replis serpentins de sa longue traîne de soie, merveilleuse de grâce nonchalante. Mais comme elle était pâle, et comme ses lèvres tremblaient, quant à lui, fasciné, ébloui, subjugué, il n'osait risquer un geste, et perdu, il étreignait son beau rêve d'amour pur, de constance inlassée. Il rêvait, devenait fou. Elle ne l'avait pas trahi, elle était sa femme. Il n'y avait jamais eu de séparation. Il la revoyait après l'avoir quittée dans la journée. La comtesse de Charmeuse boutant son aumônière, mon cher nabab, minauda près de lui la baronne Gorgès. Oh, il faut vous montrer aimable. Vous n'en serez pas quitte à moins de 1000 francs. C'est pour nos pauvres. Il fut secoué d'un profond tressaillement. Adieu son rêve. Elle était devant lui, au bras d'un snob quelconque, le bras tendu, présentant son aumônière dans un geste hautain qui mettait entre eux l'infranchissable barrière. Un instant, ils se regardèrent. Elle ne baissa pas les yeux. Il la fixa presque avec de l'insolence. Il eût voulu que son regard lui criât son mépris et sa haine. Et elle, frémissante, bouleversée, mais froide en apparence comme une statue, demeurait là, sans un mot, sans un sourire. Alors, il s'inclina brièvement à l'américaine, sortit de sa poche un carnet de chèques, traça une ligne, déchira la feuille et la laissa tomber dans l'aumônière. « Voyons, oh, je veux voir, tiens, je suis curieuse, moi !» La baronne Gorgès s'empara du chèque et lut. Un cri d'admiration et d'envie enragée lui échappa. « 1 million !» Ce fut dans les salons une rumeur qui se répandit en traînée de poudre, et des exclamations, et des petits mots sournois, et des cris pâmés. « 1 million !» C'était royal, cela dépassait tout, c'était... ultra-américain. La comtesse de Charmeuse, dans le tumulte, se pencha légèrement vers Jean Robin et, du bout des lèvres, d'un ton de mépris qui le cingla, le fouetta, simplement murmura « Judas, Barnum !» Et elle s'éloigna, très calme. Elle avait la mort dans l'âme. Jean Robin, lui, demeura étourdi de cette outrageante réponse et de ce coup reçu en plein cœur. C'était elle qui l'insultait, les reproches venaient d'elle. Oh, quelle femme était-ce donc? Il le saurait, oui, il la verrait, lui parlerait, lui jetterait à la face tout ce qu'il torturait depuis qu'il avait appris son mariage, là-bas, par-delà les mers. Il lui clamerait son martyre, lui demanderait compte de sa vie brisée, empoisonnée, la souffletterait à son tour, la cinglerait. Dût-il en mourir ?